Viens voir, je dois te parler. La femme qui me donne des hauts le cœur et où chaque heure de plus mes cœurs. J'aimerais vous dire que j'ai sur le cœur mes peines et mes rancœurs. J'aimerais vous dire que c'est la fête, les gars, l'été parfait. Mais tout poisson à son arrêt et y'a des morts plein la charrette. J'aimerais vous dire que ça va depuis que mon père est parti. Mais mon cœur est en gravat, terre pas de tout part réparti. J'aimerais vous dire que j'en veux pas à ceux qui l'ont laissé sortir. Mais souhaiter leur trait pas au fond de moi, mais à l'amortir. J'aimerais vous dire dans ce que j'écris, c'est pas cette arcrie que je décris. Mais ce que je retranscris en sanskrit, décris les cris des plus aigris. J'aimerais vous dire aussi phonique, comme microtique, toplé, sonnerie. Mais c'est aussi le style public, c'est qu'ils disent nos styles. J'aimerais vous dire que la vie est rose. J'aimerais vous dire que la vie est belle. J'aimerais vous dire tellement de choses, mais ma joie de vivre s'est fait la belle. J'aimerais vous dire que c'est faux, qu'y a pas de surenchère aux infos. Que jamais TF1 zoomera sur la chair aux enfants. Que ce qu'on respire c'est de l'air pur, pas de quoi avoir peur. Si l'on compare c'est moins pire que les vapeurs de super. J'aimerais vous dire en y croyant que nos zones fait office d'un pas jour. Vous dire qu'en 2008 le monde coule c'est plus beau jour. Y'a tant de choses que j'aimerais vous dire sans trahir, mentir, haïr, maudire. L'endroit est mal choisi pour en parler plus en détail. Y'a tant de choses que j'aimerais vous dire et sourire, nourrir, nos dires de rire. Je parle peut-être trop, il paraît. Justement, j'allais te dire de la fermer. Quant à ceux qui se remplissent la panse et continuent à nous berner, j'aimerais leur dire ma façon de penser sur leur manière de gouverner. J'aimerais leur dire qu'ils m'exacerbent, que j'ai que des textes acerbes, que la haine monte dans mes artères quand leur envoie ce qu'on t'en charter. J'aimerais leur dire au Sarkozy, Fillon, Douste Blasi, Juppé, Chirac, Alliomarie et autres maîtres en hypocrisie. J'aimerais leur dire que je les aime pas, que leur mère ils peuvent aller nier. Mais tu vois ça, je le dirais pas car je ne suis pas mal éduqué. J'aimerais leur dire face au chômage, les situations inégales s'enchaînent. J'aimerais leur dire qu'à nos âges, y'a déjà beaucoup trop d'âmes en peine. J'aimerais leur dire que nos plages sont pas totalement saines. J'aimerais leur dire qu'avec l'orage, la coupe est anormale. J'aimerais leur dire que dans le 9-3 c'est chaleureux loin d'être queue froid. Et contre à moi ce que les queues croient, y'a aussi heureusement des preuves droits. J'aimerais dire à ceux qui croient que ça pue le crâne. Contre les graphes et les grecs grèves, avec de la crasse et des pulcras. Ici y'a autre chose que des gars avec grave de crack dans le crâne. Et dans les barres de granit noir, y'a grave de crack quand on dans le crâne. J'aimerais leur dire que dans la vie on peut faire autre chose que des crasses. Et ce texte à mon avis ne va laisser que peu de traces. Y'a tant de choses que j'aimerais vous dire sans trahir, mentir, haïr, maudire. L'endroit est mal choisi pour en parler plus en détail. Y'a tant de choses que j'aimerais vous dire et sourire, nourrir, nos dires de rire. Je parle peut-être trop, il paraît. Justement, j'allais te dire de la fermer. J'aimerais qu'ils sachent qu'aujourd'hui, c'est plus les bons et les bandits, les pires félons et les gentils, ceux qui ont pas de et les nantis, les grands patrons et les petits, les grosses maisons et les taudis, ceux qui ont le million, ceux qui mentent, ceux qui ont le buffeton, ceux qui l'envient, ceux en buton, ceux en tati, ceux en tongue et ceux en Gucci, ceux qui ont le micro, ceux qui ont le maxi, ceux qui ont le tixon, ceux en taxi, c'est plus les cons, les abrutis, contre ceux qui ont tout réussi, mes vagabonds et sans abri, à part de pont, en plein Paris, c'est moi de Chandon, et Champomy, moi t'es de Redon, et chambre sans lit, cochon fauchon, et premier prix, avec des spadons ou des spadrilles, né au violon ou au ravioli, à moi Apollon ou mal poli, baguette sans couteau, ou pain de mie, assiette sans fond. Plein de vie, ceux qui s'en vont, ceux qui arrivent, opposition entre deux rives, belle construction sans vis-à-vis, vu les mondes difficiles à vivre. J'aimerais que tout le monde y réfléchisse, que les plus cons qui réfléchissent, ça touche ton esprit, elle régisse. C'est ça au fond que j'aimerais que tu te dises. Y'a tant de choses que j'aimerais vous dire sans trahir, mentir, haïr, maudire. L'endroit est mal choisi pour en parler plus en détail. Y'a tant de choses que j'aimerais vous dire et sourire, nourrir, nos dires de rire. Je parle peut-être trop, il paraît. Justement, j'allais te dire de la fermer.